بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الدرس الثالث عشر. troisième leçon. قال في سؤال الثالث وستين. 63e question. هل يجوز أن نسمي عبد الكعبة عبد النبي عبد الرسول عبد الحسين؟ يعني est-ce qu'il est permis d'appeler quelqu'un comme عبد الكعبة qui veut dire le serviteur de la Kaaba, ou عبد النبي qui veut dire le serviteur du prophète, ou عبد الرسول le serviteur du messager, ou عبد الحسين le serviteur du Hussein? قال في جواب لا يجوز لأنه من الشرك. Cela n'est pas permis car cela est de l'association. Car le ta'bid, ce qu'on appelle le ta'bid, le fait que la servitude ne t'est attribuée qu'à Allah Azza wa Jal. Ces noms-là, qu'on appelle le nom de ta'bid, Abd Ar-Rahman, Abd Allah, Rabd Ar-Rahim, ces noms-là, qui sont les serviteurs du miséricordieux, du fort, ou du savant, ou d'Allah, ou autre parmi ses plus beaux noms, cela ne doit être affilié qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas permis de le faire pour autre que lui. Cela sera du shirk. والدليل قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. Toute chose dans les cieux dans la terre, il n'est de choses dans les cieux dans la terre sans qu'elle ne vienne asservie ou assujettie au Rahman. Maryam, verset 93. Et il cita un khilaf par rapport à Abdul Muttalib. Awala cita que Shir Bakr Abu Zayd rapporta de Ibn Hazm qu'il dit qu'il y a ijma, unanimité, de nommer quelqu'un par Abd, par autre qu'un nom de nom d'Allah. Et il a dit, hormis pour Abdul Muttalib. Et Abdul Muttalib, à la base, c'était le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était nommé de la sorte. À la base, son nom c'est Shaiba, car lorsqu'il est arrivé à Mecca del Medina, il avait noirci. Lorsque les gens l'ont vu, ils ont cru que c'était le serviteur de Muttalib, un esclave en fait. Alors ce n'était pas le cas. Et de là, les gens l'ont appelé Abdul Muttalib. D'accord ? Ils l'ont appelé Abdul Muttalib, donc c'était un surnom. Et lorsqu'ils ont dit Muttalib, ce n'était pas dans le sens de l'attribuer une divinité, c'était comme le fait de dire l'esclave de un tel. Donc après, il y a eu un khilaf par rapport à ce nom-là, et quoi qu'il en soit, ce nom-là en lui-même n'est pas une preuve permettant de le faire pour que Allah subhanahu wa ta'ala. Juste, il y a ce nom-là, est-ce que ce nom-là était permis ou pas? Et l'apparence, c'est qu'il était permis de le dire, car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a nommé ainsi. Non. ثم قال في السؤال الرابع والستين. 64e question. ما عقوبة من أتى كائنا أو عرافا؟ Quelle est la sentence à infliger pour celui qui est parti voir un devin, un médium, Naam, et les gens qui prétendent connaître l'invisible? Kahin, la différence qu'il y a, le kahin, c'est quelqu'un qui dit connaître l'avenir. Et le arraf, c'est celui qui prétend connaître, par exemple, les choses qui ont été perdues, donc qui touchent au passé. Et lorsqu'on cite un, il englobe les deux sens. Et lorsque les deux sont cités ensemble, on les différencie. Qala fi jawab la tuqbal lahu salatun 40 layla wa iza saddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Il a dit que sa salat pendant 40 jours n'est pas acceptée. Celui, le simple fait d'aller le voir, de se rendre vers lui, ta salat n'est pas acceptée pendant 40 jours. Et ce qui ne veut pas dire que tu ne la fais pas, tu la fais quand même, mais tu n'apporteras aucune récompense. Et si jamais en plus tu le crois dans ce qu'il dit comme information, alors tu auras mécru en ce qui est descendu sur Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. والدليل ما جاء عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. Qu'il a dit صلى الله عليه وسلم, celui qui va voir par exemple un médium qui l'interroge sur une chose qui touche un invisible, que sa salat ne sera pas acceptée pendant 4 jours, 40 jours à fond. Rawahu Muslim. وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. Et celui qui va voir un devin ou un médium, ce qui ressemble, et qu'il le croit dans ce dont il informe, sa salat, ou plutôt, il n'aura mécru en ce qui est descendu sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cela est également valable pour ceux qui vont voir dans les magazines, dans les chroniques astrologiques. Les ulama ont dit que cela va dedans. Allez voir un astrologue et regarder les chroniques astrologiques. Même si tu n'y crois pas, le fait d'aller le voir, il dit que ça revient au même jugement. Le fait de le regarder, de les lire, à part pour quelqu'un, comme le devin ou le l'astrologue qui se rendra auprès de lui pour démontrer son mal. D'accord ? Ou pour le conseiller, l'appeler à faire tawba. Ça, c'est autre chose. Mais l'appeler pour l'interroger, que tu le crois ou pas, pour une niya autre que le fait de démontrer son mal, tu rentres dans le hadith, dans le jument. Non. Souma qualif issouel, la khamis wa sittin. 65e question. Ma hukm al-sihr ? Quel est le jument de la sorcellerie ? Qala al-sihru kufrun. La sorcellerie de la mécréance. Et on l'a cité dans les douloufs précédents, parmi les péchés les plus dangereux, les plus capitaux. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Donc la preuve, c'est la parole d'Allah dans le sens où il dit, et que Souleyman n'a pas mécru, cependant ce sont les shayatines qui ont mécru. Ils enseignent aux gens la sorcellerie, et ce qui est descendu sur les deux anges qui étaient à Babylone. Et qui n'enseignaient à personne, c'est-à-dire la sorcellerie, sans qu'ils ne lui disent, nous ne sommes qu'une tentation, alors ne m'y crois pas. C'est-à-dire si jamais tu apprends cela et tu l'appliques, tu auras mécru. La vache, verset 102. Et la sorcellerie, elle a un détail également entre celle qui est fictive et celle qui est réelle, du moins celle qui est résultat d'adoration pour les shayatines, et celle qui est résultat d'illusions, qui ont lieu par des gestes ou par des poudres, et elles qui ne rentrent pas forcément dans une adoration faite pour un shaytan. Et ça, on en a parlé dans les autres doulos, dans les 200 questions, réponses, et également dans Nawaqid de l'Islam, les annulatifs de l'Islam. 66e question. Ma hiya an-nushra. Qu'est-ce que an-nushra ? Ce qu'on appelle le désenvoûtement. Il dit, وَحِلْ السِّحْرَ عَنِ مَسْحُورِ. C'est le fait de désenvoûter celui qui a été ensorcelé. ثم مما يتعلق بذلك السؤال السابع والستين 67e question ما حكم النشرة. Quel est le jugement justement de ce nushra, de ce désenvoûtement? قال إذا كان بالسحر فلا يجوز. Si ce désenvoûtement est lui-même a lieu par une autre sorcellerie, il n'est pas permis, car tu auras commis du shirk. D'ailleurs, tu vas voir un sorcier et tu lui dis désenvoûte-moi, que ce soit celui qui l'ait fait ou un autre, car tu vas le pousser à refaire de la mécréance. Et cela n'est pas permis. Wa dalilu Jabir ibn Abdullah qala su'ila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an nushra fa qala huwa min 'amali ash-shaytan. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est interrogé pour justement de ce désenvoûtement. Il a dit cela est parmi les œuvres du shaytan. Ce qui prouve qu'il n'est pas permis. Qal wa in kanat bi ruqya shar'iyya fa tajuz. Par contre, si ce désenvoûtement est fait par les ruqya légiférés et par les remèdes légiférés permis, alors cela est permis. Wa hadith Auf ibn Malik al-Ajja'i qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a'ridu i'ridu 'alayya ruqakum la baisa bi ruqya ma lam yakun fihi shirk. Qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam, exposez-moi ceux qui font ruqya, il n'y a pas de mal de faire ruqya tant qu'elle ne comporte pas de shirk. Donc cela répond à la chose précédente. Donc si jamais chez les salafs on entend certains qui permettaient le nushra, ils faisaient parler le nushra qui était permis et non pas celui qui amenait à aller retourner vers le sorcier. Cela n'est pas permis. Qala fi sual al-thamin wa sittin 68e question. Uzkur ba'd al-ad'iya as-sahiha li ruqya ash-shar'iyya. Donc maintenant il dit cite certaines invocations légiférées pour pouvoir faire ruqya de façon valide, car les ulémas ont dit que ces ruqya là doivent être faites déjà en langue arabe en premier lieu, par du Coran et par de la sunna, et que les paroles doivent être comprises, des invocations claires et comprises. En dehors de cela n'est pas permis. Donc parmi les invocations qui ont été faites, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est venu dans le hadith de Aïcha, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana idha 'ada maridun yaqulu adhhib al-ba's rabb an-nas ishfihi anta ash-shafi la shifaa ila shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Muttafaqun alayhi. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il allait voir un malade, il lui rendait visite, il lui disait fais partir le mal, Seigneur des hommes, guéris-le et tue le guérisseur. Il n'y a pas de guérison en dehors de ta guérison. Une guérison qui ne laisse aucun mal. Ça c'est un. Également, selon Abu Sa'id al-Khudri, قال أنا جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت فقال نعم قال بسم الله أرقيق من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيق رواه مسلم. Que Jibril est venu, s'est rendu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit que tu ressens un mal, il lui dit oui. Il dit au nom d'Allah, d'accord, je te fais ruqya, de toute chose qui te nuit, de tout mal qui te nuit, et de tout, du mal de toute âme, ou de tout mauvais œil, ou de jalousie. Qu'Allah te guérisse, au nom d'Allah, je te fais ruqya. Donc attention, on peut être atteint. Quand on a un mal, ce n'est pas forcément de la sorcellerie, ça peut être un haïn qu'on a reçu par quelqu'un, mauvais œil, ou par la jalousie, car cela est une chose qui est réelle, qui existe en islam. D'accord ? Donc faire attention, et pour cela, le musulman fait attention d'être régulier à faire ses invocations du matin et du soir. Et quand on dit le soir, on veut dire l'après-midi en fait. Tout le temps. Et à chaque occasion, dès qu'il peut faire une invocation, il l'a fait. Avant d'entrer aux toilettes, en sortant des toilettes, en se déshabillant, avant de manger, en rentrant chez lui, en sortant de chez lui, en rentrant au mosjid, en sortant du mosjid, après les salawat, et ainsi de suite. Naam. Fa ila huna, walhamdulillah.